le soleil la couronnait d'art en ciel. Au réveil, dorant sa figure, et chaque fois que je me perdais en elle, notre abîme en moi. S'élargissait. Les nuages s'écartaient à son passage, et je baisais l'ombre de son dos, accroissant l'appréhension du monde à ses revers imprévisible et fatal. Que puis-je apprécier, lui disais-je, d'un monde que héros j'ai déjà apprécié. Écho de haine auquel elle souriait mesquinement. J'ai bu du café, j'ai aimé une jeune fille. Des oiseaux migrateurs construisaient des nids à la sodélique éthérée. Tandis que je la contemplais nue, un visage d'enfant reflété dans la fenêtre. Une âme jalouse, affolée, convoqua les ménades furieuses, et moi, si fragile, les espoirs brisés. J'ai fui le jardin vert que je cultivais, un astre m'a consolé, amoureux. Dans la placidité d'autres paysages, ses yeux, s'ils ne m'ont jamais aimé, chercheront un jour mon visage.